la solution. Oh, la prière est un dialogue d'un chrétien avec son Dieu. Prier la prière est une présence. La prière, c'est la solution. La prière est un dialogue d'un chrétien avec son Dieu. Prier la prière est une présence. La prière, c'est la solution. Oui, la prière est un dialogue d'un chrétien avec son Dieu. Prier la prière est une présence. La prière, c'est la solution. Dieu, la prière est un dialogue d'un chrétien avec son Dieu. Dieu bien-aimé, notre Père Céleste, Nzambe mulingami tata na biso na likolo, Dieu parfait et incomparable, Nzambe oya bongabe ya kokoka, fontaine de vie et d'amour éternel, liziba na bomo yimpe ya bolingwa se pour se de paix ineffable, Ndeli penza ya kimia oyo, Dieu adorable et véritable, Nzambe ya kokumba melampe oyo ya sala, sanctifions et glorifions ton merveilleux nom, bulisi mpe ko sanzola ka kombo na yo ya bikabo, qui est élevé au-dessus de tout nom, oye ne tola mi likolo na et prions de prêter oreille à nos prières, car nous y croyons de tout notre cœur que la prière est une arme puissante dont tu as doté les fidèles de ton église pour affronter les rivalité, les épreuves, les batailles spirituelles et vaincre. Puisses-tu relever la grandeur de notre foi. Sors-la des cachettes. Sors-la des bâtisses. Sors-la de la médiocrité. Que nous soyons au meilleur niveau. Semblable à Jésus-Christ, notre divin modèle. Béni la réunion de ce soir, envoie l'évangile de puissance qui touche le cœur, qui change l'église, qui change le croyant, qui nous rend meilleurs qu'avant. Nous avons confiance que ta parole est la puissance pour nous transformer entièrement de ce que nous étions en ce que nous voulons être, en ce que Dieu veut que nous soyons. C'est toi qui nous façonnes, c'est toi qui nous taille, c'est toi le potier, nous sommes que l'argile. Nous venons à toi non pas pour rivaliser ni pour contester ni pour discuter, mais nous venons pour apprendre, pour nous humilier et pour obéir, pour pratiquer tes directives, obéir à ta parole. Guéris nos êtres intérieurs, toutes les parties du corps malade. Opère la guérison des dents. C'est une bénédiction permanente. La guérison divine que tu as promise à ton peuple. En permanence. Dans l'Ancien comme le Nouveau Testament. Tu n'as jamais retiré cela. Dans la marche de ton peuple. Tu sais que nous sommes faibles et nous faillissons différemment, mais tu as pourvu d'un agneau et tu as pourvu d'une expiation pour que chaque fois nous soyons secourus et que nous puissions te glorifier. Reçois nos prières, reçois nos êtres et taille à ton image, l'image parfaite de Jésus-Christ, aujourd'hui et pour toujours. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Nous allons lire la parole du Seigneur dans Luc au chapitre 6. Nous prenons le verset 6 à 12. Il arriva un autre jour de sabbat que Jésus entra dans la synagogue et qu'il enseignait. Il s'y trouvait un homme dont la main droite était sèche. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. C'était afin d'avoir sujet de l'accuser. Mais il connaissait leur pensée. Et il dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi et tiens-toi là au milieu. » Et il s'éleva et se tint debout. Et Jésus leur dit, « Je vous demande s'il est permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer. » Alors, promenant ses regards sur eux tous, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Et il le fit. Et sa main fut guérie. Ils furent remplis de fureur et ils se consultèrent pour savoir ce qu'ils feraient à Jésus. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Na sabata mususu, akotaki na yange na lompe ala kisaki. Mpe motomoko azalaki wana, loboko na ye na mobali ekaukaki. Bakomeli mpe bafalisayi bangengelaki ye kotala soki akobikisa ye na nzela ete bazwa nzela ya kofunda ye. Ye nde ayebaki makanisi na bango mpe alobaki na mobali oyo na loboko lokaukaki ete telema na katikati mpe atelemaki bongo. Yesu alobaki na bango ete natuna bino, ekoki kosala mosala malamu na sabata soki kosala mabe? Kobikisa bomoi ekoki soko kobebisa yango? Esiliye kotala bango nyonso, alobaki na ye ete, sembola loboko na yo, asembola kibongo mpe, loboko na ye ebikaki. Bango nde batondaki na kanda mpe, basosolanaki, soko bakosalelaka Yesu likambo nini. Na mikolo yango abimaki mpe, akendaki na ngomba mpona kobondela, awumelaki wana butu mobimba na kobondela Nzambe. Matthieu chapitre 10. Matayi mukapo ya zomi. Versets 5 à 8. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers le païen et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Yesu atindi ba oyizomi na mibale, alaki bango ete, bokenda epai na mabota na bapaya te, nde boyingela na mboka moko na basamalia te, kasi bokenda liboso epai na bampate babungani na libota na Isalele. Wana iko kenda bino, bokosa kolaka ete, bokonzi na likolo ezalinde kobelema. Bobikisa babeli, bosekwisa bakufi, bopeto la batu na mbala, bobimisa milimu mabe, bozui na lisombite, bopesa pe na lifutite. Luka chapitre 10, verset 1 à 3. Luka mokapo ya zomi mulongwa di bosokino na misatu. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu de loups. Nasima namakambo oyo nkolo aponaki mpe ba mosusu ntukusambo mpe akindaki bango mibale mibale liboso na ye kati na mboka nyonso na bisika nyonso bilingaki ye kokendi. Alobaki na bango ete mbuma mingi etili solo nde basali bazali mingi te. Na bongo bobondela nkolo na bilanga ete atinda basali kobukaka mbuma na ye. Kende na bino tala. Nazali nde kotinda bino lokola bana na pate kati na bankosi. Que Dieu bénisse la lecture de sa sainte parole. Et veuillez vous asseoir maintenant. Bienvenue à la table du Seigneur. Nous allons prêcher l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Comme il est écrit dans l'amour. L'évangile nous a été laissé. Et vous le savez, selon ce que Paul a dit aux Romains, oui. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Il ne vient pas à nous en parole seulement. Mais il vient avec puissance de Dieu pour faire du bien à tout cœur qui croit, à tout cœur qui s'y attend, qui reconnaît sa valeur et son importance, qui lui donne la première place dans sa vie personnelle. L'évangile vient avec assez de puissance pour opérer des résultats. Et pour cet évangile de Dieu, nous sommes reconnaissants. Nous ne cessons de rendre grâce à Dieu, de le remercier et de l'adorer. Car sans cela, nous ne savons pas que deviendrions-nous. Nous serions perdus. Sans espérance, sans promesse, sans repère ici-bas sur la terre. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont nous a aimés, n'a pas regardé à nos culpabilités nombreuses, mais il a volé à notre époux. Il est venu intervenir personnellement pour nous sauver, pour nous pardonner, pour nous changer, pour nous garder près de nous. Nous avons une nature très méchante, mais notre puissance nous secoure tout le temps pour nous maintenir plus près de lui. Il travaille dans nos cœurs, il touche nos consciences, il exploite nos esprits, pour que toutes choses aillent pour le mieux, que nous ne puissions pas dégringoler, que nous puissions surmonter, que nous puissions progresser, avancer par sa grâce. Donc, que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni, de nous accorder cette opportunité de nous mettre encore ensemble pour partager ce que nous avons de plus précieux, le plus important sur la terre, la parole éternelle du Dieu. Partager cela ensemble dans une méditation sereine, dans la tranquillité de ce quartier et avec pleine confiance au Dieu vivant. Nous remercions le Seigneur. Seigneur, le souffle de vie. Plusieurs sont morts. Et pendant que nous parlons, ils sont des cadavres. D'une manière ou d'une autre, ils sont décédés. Mais nous, nous sommes en vie. Nous pouvons encore citer son nom, invoquer son nom, lui adresser nos prières, lui formuler nos voeux. Et il peut nous écouter. Parce qu'il a dit que si nous mettons notre joie en Dieu, il réalisera le vœu de nos cœurs. Il accomplira ce que nos cœurs veulent. Dieu est bon, il est fidèle. Ses promesses de l'écriture ne sont pas vaines. Elles sont si riches et utiles. Et nous les aimons tout le temps. Et qu'on nous les rappelle tout le temps. nous fait toujours du bien. Savoir que Dieu ne change pas. Sa parole ne change pas. Il est le même chaque jour. Il est le même partout où nous sommes. Il est le même et son esprit est là. Comme il est écrit, il n'est pas loin de chacun de nous. Dieu ressent que c'est vrai. Dieu n'est pas loin de chacun de nous. Il ressent que Dieu n'est pas loin de toi. Tu ressens ça. Non pas juste entendre ou le savoir. Dieu n'est pas loin. La Bible dit, il n'est pas loin de chacun de vous. Rendu cela réel pour moi. Dieu n'est pas loin de moi. Je reconnais qu'il est si proche. Qu'il est à portée de main. Si j'étends la main, il n'est pas au-delà de ma main. Hein? À portée de main. À portée de main. Oui. Là où la main peut aller, jusque là où il peut se limiter. À portée, ça c'est la portée de la main. Elle quitte le corps jusque là où il peut. Il s'arrête ici. Non, allons-y. À portée de main. À distance de ce qui sépare l'épaule avec l'extrémité des doigts, c'est la portée. La portée du bras. Mais parce qu'il ne s'agit pas de tous les bras à l'extrême là-bas, il dit de la main. On dit à portée de main. Ça suppose que le bras est interposé là où il est. Si je fais ça, il n'est pas loin. Ça, la salle, je fais un coup aussi. Jusque là. Et allez, qui n'a rien. À portée de main. Et il est quelque part ici. Allez, pémenia. Si je fais comme ceci. Ça, la salle, oui. À portée de main. Le boko à portée. Il est à portée de main. Et allez, je peux même le toucher. N'a pas qu'à ça. Je peux reculer la main. N'a pas qu'à ça. Alors, quand vous regardez derrière, là je ne vois pas. Bon, mais au moins, Dieu est à portée de main. Et dans cette circonférence ici. Est-ce que chacun peut faire aussi ça? Dans la circonférence ici. Et Oh, juste là comme ça. Il y a un cercle dans lequel vous êtes. Il est dans ce cercle. Il est pris entre l'extrémité de vos doigts. Dieu n'est pas loin de chacun de nous. Ah, c'est merveilleux comme ça. Bon, maintenant si toi tu dis, oh, église, mais est-ce que toi tu le savais comme ça? Depuis Obotama. Depuis mon gombo à Webandao, yo écoute à mon gombo de chrétiens, écoute au tabernacle chrétien. Est-ce que tu le savais comme ça? Oui, bah tiens mon bongo. Que Dieu n'est pas loin de toi. Et tu as vu ce symbole mon bongo boy. Mais si la mise à pied, tu as eu à faire cet exercice quand? Dieu s'arrête à chaque jour, la bonne nouvelle nous fait du bien. Nous parlons de la compréhension. Amen, amen, amen, amen. Nous ajoutons de la compréhension et nous sommes affermis. Amen. Vous connaissez encore le psaume 121. Vous le savez, non? Verset 1. Verset 1. Il est là. Jusqu'au verset 5. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Na konetu la kamiso nangai epai nangomba kosunga nangai penza ekuta wapi kosunga nangai ekuta na yawe oya sala kilo la mpe mokili. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Ya kotikate ete itamba na yo ete lingana. Voici, il ne sommeille ni ne dort, c'est lui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. Et l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Amen. Yamobali. De ce côté-ci. Ton ombre à ta main droite. L'ombre, c'est l'ombre du corps. L'ombre de vous-même. Si la lumière vient comme ça, l'ombre se projette ici. Mais ton ombre à droite là, la silhouette qui va apparaître. Quand on te regarde de toi et on essaye de voir autour de toi, quelle est l'ombre de toi-même? À quoi ton ombre ressemble-t-elle? Dieu t'éclaire. Et ça se projette ici. Au sol, comme ça. S'il y a un mur juste à côté, ça se projette, l'ombre se projette sur le mur juste à côté. Mais au lieu que ce soit comme un dessin, une image imaginaire qui provient de la forme de ton corps qui se dessine là sur le mur, sur le sol. Quand on va du côté droit, ce n'est pas une image imaginaire. Là, se tient Dieu sous forme d'ombre. L'ombre, c'est dire qu'on peut ne pas le voir. On peut ne pas y penser ou en faire cas. Mais l'ombre est toujours là. Est-ce que depuis que toi-même tu t'assis à l'église ici, nous sommes sous des lampes éclairées, as-tu déjà regardé ta propre ombre? Toi-même d'abord. Tu y as pensé même. Quand tu te promènes, est-ce que tu fais même cas de toi, ta propre ombre? Pour être sincère, tu diras non. Pour être sincère, tu diras non. Non, bien sûr que non. Je vais passer ça, zapper ça, ignorer ça, faire mes affaires, faire mon chemin. Donc, c'est dire l'ombre, on n'y fait pas souvent cas. On n'y pense pas fréquemment. Mais n'empêche, elle existe, elle est toujours. Et votre ombre vous accompagne partout où vous allez. Mais il vous arrive que vous-même, propriétaire de cette ombre, réalité de cette ombre, vous ne faites pas cas de ça. Voilà comment nous traitons aussi Dieu. Dieu n'est pas loin de chacun de nous. Il est à portée de main. Nous va nous fonctionner comme si Dieu n'existe pas. Nous l'oublions fréquemment. Et nous nous embarrassons, nous nous soucions, nous murmurons, nous nous plaignons, oubliant la majesté de Dieu. Je te rappelle ce soir que le Seigneur est ton ombre à ta main droite. Il est ton ombre à ta main droite. C'est l'écriture qui le dit. Et l'ange du Seigneur, quand il vient, nous l'avons entendu ici, il vient toujours du côté droit. Selon la parole, l'Éternel est celui qui te garde. Et l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Le Dieu de David, c'est le Dieu de Zacharie, père de Jean-Baptiste. Ici dans Luc chapitre 1er, nous lisons ceci à partir de verset 5. Des temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Natango na elo da mokonzi na Yuda nganga moko azalaki kombo na ye Zakalia moto na makambo na Abia mwasi na ye azalaki moto na libota na Alona kombo na ye Elizabeta Donc, nous allons lire jusqu'au verset 11. Tous deux étaient justes devant Dieu, et l'homme et la femme, un couple des hommes justes. Observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Il n'avait point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Bazalaki na mwana te mpoete Élisabeth azalaki komba. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon les tours de sa classe, il fut appelé par le sort. D'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du passant. Verset 11. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout, où ça? À droite de l'autel de parfum. Moi, je n'en à mon côté de ma et Mobali. Voilà le Dieu de David. Zambé na Daoudi. C'est le Dieu de Zacharie, père de Jean-Baptiste. D'année en année, il ne changeait pas. Il est venu à droite de l'autel où s'était né le sacrificateur. Le sacrificateur voulait offrir le sacrifice. Le parfum à sacrifice. Et un ange du Seigneur était sa milicienne. Il est bien appelé un ange du Seigneur parce que Dieu a créé des anges. Nous l'avons entendu dimanche, Dieu a créé des anges sans ailes. Ça vous fait encore du bien de les savoir comme ça? Oh oui. Et alors, il est dit ceci. Au verset 19. L'ange lui répondit. Je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Moi, je suis qui mon oko été ngai Gabriel oyo atele makaliboso na Nzambe. Mpe na tinda maki koloba na yo mpe kotonda na yo makambo oyo. Quel message! Il s'est identifié. Et aucune mention n'est faite des ailes de Gabriel. Rien n'est dit là. Mais il a parlé à Zacharie. Il a transmis le message. Et montrant qu'il avait envoyé. Moi je suis Gabriel et je me tiens devant Dieu. Et l'ange qui a été envoyé à Frebrenam le 7 mai 1946 n'a pas dit que lui était Gabriel. Il n'a pas dit qu'il s'est tenu devant Dieu. Mais il a dit à Abraham, n'aie pas peur. Mais j'ai été envoyé de la présence du Dieu Tout-Puissant. Précisément, c'est ça. Lui, il a été envoyé de la présence de Dieu. Et il est venu passer le message. Expliquer la commission frère. Mais pourquoi de sa naissance sur terre? Et de sa vie incomprise. Or, le même ange Gabriel, après avoir accompli sa mission dans la famille de Zacharie. Plusieurs mois plus tard, après cela, près de 6 mois, nous lisons ceci au verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel, le même qui était chez Zacharie et Élisabeth, un couple de conjoints justes, le même est encore mentionné. Le même ange Gabriel. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph, le nom de la vierge était Marie. Et pas une élengue moi si moko oyo abandi samaki na mobali na libota na Daoudi kombo ya mobali yango Joseph pe kombo na mwasi Maria. Verset 28. L'ange entra chez elle et dit: je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Moi je lui apporte qui est pas une aye mpe alobaki ete mbote mwasi nangolu kolo azali na elengo na yo. Voyez là, l'ange a fait quoi? Moi je l'ai salué. Il est entré. À côté. À la porte. Il est entré. À côté. Je l'ai dit. Entré dans la maison. À côté, tu es en andako. Et pas à l'église. Quand tu es en ange Gabriel, à côté, il est entré. Il est entré. À côté. On ne dit pas qu'il s'est introduit ou qu'il a survolé la maison de Marie. Alors, peut-être que pour moi, qu'il a volutifié cette maison. Et ce qui a parlé d'accord. Il est entré chez elle. À quoi t'as dit? Et il l'a salué. Je te salue, Marie. Non pas pleine de grâce. Non, jamais. Et il ne pouvait pas dire ça. Il était les bêtises pleines de grâce. Parce que Marie n'était pas pleine de grâce. C'est la parole qui a été faite chère et qui a habité parmi nous. C'est la parole qui était pleine de grâce et de vérité. Et Marie n'était pas la parole. Marie était une servante du Seigneur. Marie a dit, mon salut moi aussi encore. Je te salue, Marie. Toi à qui une grâce a été faite. Juste une grâce d'entre plusieurs grâces. Je te salue, Marie. Perversion. Des pervers. Mariologue pervers. Je te salue, Marie, pleine de grâce. Et eux-mêmes aussi, ils récitent comme ça. Marie n'est pas pleine de grâce. C'est un gros mensonge. Une pratique d'incrédulité. Ces gens-là ne croient même pas du tout la parole. Ils ne connaissent même pas la parole. Ils l'ont rendu au plus haut point. C'est élémentaire de l'évangile. Je te salue, Marie. Toi à qui il est a été fait. Et Salaméli. Et quand Paul nous parle, il formule le vœu pour nous, il prie que Dieu nous multiplie sa grâce. Pour les humains, que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Hein? Parce que nous en avons besoin de temps en temps. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, que Dieu continue de nous faire encore grâce. Qu'il nous fasse encore grâce. Qu'il nous donne encore grâce. Nous en avons besoin tous les chemins faisants. Mais Jésus-Christ n'avait pas besoin de réclamer ça. Parce que la parole, remplie de grâce et de vérité. Toute la grâce était en lui. Et c'est pour ça qu'il pouvait annoncer l'année de grâce. Et qu'il voulait faire grâce à qui il voulait faire grâce. Il voulait faire miséricorde à qui il voudrait faire miséricorde. Parce qu'il est le souverain qui incarnait la plénitude de Dieu. La plénitude de la divinité et la plénitude de toutes les choses de Dieu. La grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu, les dons de Dieu, l'esprit de Dieu, le ministère de Dieu, la puissance de Dieu, tout en plein esprit dans lui. Et Dieu a voulu que toute plénitude habite en nous. Même la plénitude de la grâce. Jésus. Et lui seul. Et nous là, comme dit l'Écriture, et nous avons tous reçu de sa grâce. Hein? Nous avons tous reçu de sa grâce. Nous avons tous reçu de sa plénitude. Grâce sur grâce. En lui réside la plénitude de la grâce. Et la plénitude de toutes les choses de Dieu. Mais nous, ces fidèles, nous, ces croyants, nous recevons à partir de sa plénitude. Y compris Marie elle-même, elle reçoit de sa plénitude là. Une grâce. Et elle pouvait en recevoir une autre à la Pentecôte. D'être baptisé du Saint-Esprit ensemble avec Pierre, Jean, Philippe et les autres apôtres. Et Reprenons que le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, c'est un don de grâce de Dieu. Amen. Et vous allez dire, qu'il accorde à ceux qui le désirent tellement. Le baptême du Saint-Esprit est un don de grâce que Dieu accorde à ceux-là qui les désirent tellement, à ceux-là qui en ont tellement soif. C'est pas sur base de mérite. C'est une faveur. Parce que s'il faut regarder le mérite, ta propre nature est pécheresse. Et par la loi, tu es privé de la gloire de Dieu. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour de tous, a aimé, il ne peut laisser ses regards sur nous, mais pas nous tenir rigueur, cette imperfection nous nous sommes remplis, et nous remplir d'une portion de lui. L'esprit de vérité. Que ce Dieu-là soit loué. Il mérite notre reconnaissance. Chemin faisant. Ne pensez-vous pas? Nous y pensons vraiment. Oh Dieu de grâce. Jean chapitre 1. Il l'a dit. Verset 14. Et la parole a été faite chair. Et il a habité parmi nous. Pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. L'iloba et comment qui nous sommes à télémissa qui m'ont gombo naïe katinabisom pe tout moni. Kembo naïe. Kembo le kola ya moana oyo abotami le kola moana na likinda le moana tata. Attendi na mongolou pe na salon. Verset 16 et 17. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. Nous amis, wouta na litondi naïe. Disons-nous sa tosilinda kozo mongolou di kolo na mongolou. Car la loi a été donnée par Moïse. Wouta mi neko y pesa mi na. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Ce qui s'appelle la grâce. Non pas une grâce. Comme ça qui a été fait par la Vierge Marie. Mais la grâce elle-même. La grâce par excellence. La grâce dans sa plénitude. C'est Jésus-Christ qui l'a apporté. À d'autres occasions, c'était une grâce. Moïse a prié disant, dans Exode 34, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Il n'a pas dit, si j'ai trouvé la grâce. Non, si j'ai trouvé grâce. Si je peux avoir une faveur à tes yeux, alors montre-moi ta gloire. Et soki. Na koki kozwali sungi epa na yo, talisangai Voyez, lui-même Moïse demandait une grâce à Dieu. Il demande une grâce. Mais non. Est-ce qu'il pouvait avoir en son temps toute la plénitude de la grâce de Dieu? Oh non. C'est pas ça. Et Dieu dit ceci, il lui a dit ça. Dans Exode chapitre 33, pour voir que le souverain est celui qui en fait ce qu'il veut. Il fait des choses que lui-même veut. Alors, dans Exode chapitre 33, le verset 19, l'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. J'ai fait grâce à qui j'ai fait grâce. Et miséricorde à qui j'ai fait miséricorde. Yahweh, alors, qui était? Na kole kisaka, malamu nangai liboso na yo. Pe, na ko sakolaka liboso na yo kombo na Yahweh. Na ko zala na ngolu epa na ye oyo. Iko yele la kangai ngolu. Iko ye isakan. Na komoni sa mawa na ye oyo ikoyela kangai mawa. Voilà. Il est souverain. Asale na bokozi bo. Je gère sa grâce comme bon lui semble. Amen. Akosala la ngolu na ye na lolenge sangi. Et la grâce de Dieu est souveraine dans ce Dieu souverain. Nzambe na bokozi na ye na ngolu na ye ezali na bokozi ya ngolu nyonso. Dieu en fait ce qu'il veut. Nzambe akosala na oyo alingi. Il en donne une portion à qui il veut. Et à Marie, c'est juste une grâce qui a été faite. Et plus tard, des années plus tard, à la Pentecôte, quand ils étaient réunis là-bas, à la chambre haute, une nouvelle grâce lui avait été faite. D'être baptisé du Saint-Esprit. Et ce Dieu-là qui a eu pitié de Marie. Pauvre pécheresse, née d'entre les humains, le même Dieu peut avoir pitié de toi. Parce qu'il est immuable. Et si quelqu'un s'approche de lui sur une certaine base, et que Dieu lui accorde une suite, la prochaine personne qui s'approchera de Dieu sur la même base aura droit au même privilège. Humilions-nous sous sa main puissante. Et lui-même nous élèvera au temps convenant. Oui, c'est vrai. Dieu accorde une grâce excellente à ceux qui s'humilient. Il peut faire ça. Alors, dans Jacques chapitre 1, vous le savez, ne vous y trompez pas, verset 16-17. Mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père de lumière, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Bon, mais j'ai fait un peu de temps, je suis un peu de temps. Je suis un peu de temps, je suis un peu de temps, je suis un peu de temps, je suis un peu de temps, je suis un peu de temps. Vous avez besoin, il peut faire ça. Même si des fois tu ne mérites pas, il te la confie. Plusieurs grâces émanent de lui. Dieu est très bon. Ici dans Jacques chapitre 4. Nous poursuivons la lecture pour dire. Verset 6. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen. Verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Dans votre soumission à Dieu, Dieu vous manifestera une grâce rattaché à votre soumission, relié à votre humilité. Une grâce telle que le diable fuira rendez-vous. Lui qui vous combat, qui vous amène des échecs, qui vous multiplie des blocages, qui amène des complications au chemin, qui vous met les flots en jambes, qui multiplie les pots de bananes pour que vous glissiez tomber. Le diable est un complicateur de votre vie. Mais Dieu est un facilitateur. Il est celui qui vous accorde des faveurs multiples. Il a dit d'ailleurs, il veut que vous soyez en bonne santé, que vous puissiez prospérer à tous égards, comme prospère l'état de votre âme. Et il le peut. Dieu le veut. Et il le fera. Celui qui vous appelle un fidèle. Et il le fera. Il le fera. Il le fera. Combien je l'aime. Oh, boni boni na lingie. Oh, je l'aime. Io ngai na lingie. Oui, je l'aime. Ngai na lingie. Parce que m'a aimé. Il a sacrifié sa propre vie pour toi. Qu'est-ce qui l'empêcherait de te donner ce qui est important pour ton âme? Qu'est-ce qui réclame dans ton âme à terme à soi? Rien ne peut l'empêcher. Il est fidèle, il est bon, il est là. Le diable n'est pas capable de bloquer Dieu. Satan n'a aucun pouvoir de bloquer Dieu. Maintenir loin. Quand il essaye de venir là-bas, dans la présence de Dieu. Après, ça ensemble. En guise de promenade. Et dans le cadre de ces promenades. Les diables, ah, ils conseillent la zéla pour vous toucher la binaïo. Pour vous toucher la bilo, qu'on a besoin d'ayo. Hein, désespéré. C'est un désespéré, le diable. Parce qu'il n'a aucune espérance de salut. Il sait qu'il n'a aucune possibilité d'être rattrapé, d'être sauvé. Mais à toi, Dieu donne l'espérance et la gloire. À toi, Dieu promet la vie éternelle. À toi, Dieu promet les joies célestes. Un jour, il dira, entre dans les joies de son Père. Yangonda alinga ngote, surtout les livres de la Genèse et l'Apocalypse. A détesté Rome Macas. Dans la Genèse, je dévoile comment il avait commencé, comment il était humilié. Et dans l'Apocalypse, on montre comment il finira honteusement. Zabulu s'appelle la terre, mais quand même il va aller dans la Bible. Et ben les deux, et moni Genèse, toi et moni c'est plutôt Apocalypse. Pour être là, la jeunesse va s'aligner au colombe. Dès lundi, il y a abandon qui n'a pas couru naï. Avec sa série. N'a pas couru naï. Quand on a souka des bazar côté de cette, a couru souka wapi. N'a motonde. Une fin honteuse. Souka y a son. Et ça remet. Mais. Qu'on s'en est mais la promesse que Dieu nous a donnée. C'est la cas où nous a c'est la vie éternelle. Je crois à l'évangile que Jean a prêché. La promesse que Dieu nous a donnée. C'est la vie éternelle. Oh, j'aime cette façon dont la Bible parle avec assurance. Jean chapitre 2, verset 25. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Oui, on peut examiner et la cas. Et si quelqu'un qui est dit ça, est bon moi. Pour moi, tu as une telle promesse. Écoute, on a écouté dans la cas à bon mot. Mais le diable n'en a pas dit. Zabolo à Zanangoti. Regarde ce qui est écrit de lui. Au sujet de lui. Verset 14. Hébreux chapitre 2, verset 14. Et 15. Non, non, mais jusqu'au verset 16. Ainsi donc. Puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Amen. Ah. Bubele bongo yempe asangani na yango na ntina eti na nzela na kufa abebi sa yewa yu azaraki na bukoti na kufa yewa na nani ya mabeli za bulu par la mort de Jésus Christ il a été rendu impuissant na liwana Yesu za bulu makashe za li susuti ce que nous disons là est un fait accompli une réalité biblique et une réalité mondiale. Où que vous alliez, quel que soit l'endroit où le diable pourrait vous rencontrer, par hasard ou par accident, sachez que Jésus-Christ par sa mort, il l'a déjà rendu impuissant. Et c'est sans remède. Rien ne peut l'arranger. Et là, comment vous faites pour cette zone là? Les rattraper et l'améliorer. Les zones là, toi, comment vous faites? C'est un sort scellé. Oui, oui, comme il y en a, il peut là. C'est fait pour l'éternité. Ça l'a mis pour répondre. Et ça l'a, ça l'a. Il est rendu impuissant. À valider les choses dans ma capacité. Ainsi, il délivre tous ceux qui par crainte de la mort étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Les anges déchus sont déchus pour l'éternité. Le Seigneur ne leur viendra jamais au secours. Mais pour nous les croyants, les fidèles de son peuple, il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Alors Satan et les démons sont des désespérés. Satan n'a pas mon nom. Ils sont des désespérés. Ils sont tellement agités et agitateurs. Insatisfaits. Tout le temps insatisfaits. Parce que ce sont des désespérés. Miséricorde. C'est vrai. Vous regardez ici. Vous allez voir. Dans le 2 Pierre chapitre 2, dans mon canal, il m'a dit à Pételon, mon capon, il est écrit ceci. Comment me bouille? Verset 4. Ici, Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres, il le réserve pour le jugement. Voilà. Des désespérés, tout ce qui est dans le jugement. Aucune promesse de salut, d'être secouru, d'être délivré, d'être récupéré. Il n'y en a pas. Dieu les a condamnés. Pour ménagement. Pour être un zambé, à tika qui bange, te ba oyo, ba sala qui m'abe kasi. A boa qui bango na lifelo. A tika qui bango na mabulu, na molili tout. Ete, ba tellement pona ko samba. C'est vrai? Il a fait ça. Notre Dieu. Il a fait ça. Bongo. Et c'est scellé pour toujours. Bango, et comme il bango bongo li bela. Voyez là? Bongo. C'est scellé pour toujours. Oui, mbane, comme il bango, mbane, il y a libela. Aucun moyen qu'il soit récupéré. Nzela ta mokote te bako kanan ko sunga mezati. Oh, dans Jude chapitre 1. Na yuda mokapo ya yambo. Il est écrit ceci. Comme mi boy. Verset 6. Jude 1, verset 6. Jude. Qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaîné éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure pour suivre la rébellion de Satan, être déchus avec le diable. Ceux-là sont enchaînés éternellement. Dieu le réserve pour le jugement. Et Satan les tête. Et ça même les serviteurs, les esclaves du diable, ils sont des désespérés. Voyez, leurs chaînes sont des chaînes de ténèbres et des chaînes éternelles. Et n'est pas promis qu'on va les couper ces chaînes un jour. Mais toi tu peux chanter avec joie. Quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé, jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé, ces chaînes Des chaînes de Satan. Jésus m'a libéré. Des chaînes du péché. Jésus m'a libéré. Des chaînes du péché. Jésus m'a libéré. Quel jour de gloire. Quand il regarde les gens qui sont sauvés, qui témoignent du salut et qui chantent avec joie comment Dieu les a libérés, ils graissent les dents, ils deviennent si méchants et haineux. Voilà pourquoi quand tu veux se donner un témoignage favorable, que Dieu est intervenu pour moi, ils viennent avec des représailles. Pour tout brouiller, tout embrouiller, et pour t'amener aussi à pleurer aussi, que toi aussi tu pleures. Ils viennent avec représailles. Attendez le yon un petit d'abloté là. Oh, je t'aime. Toi aussi, au lieu d'avoir les yeux d'enfant de Dieu. Non. Tu te laisses influencer par des paroles suyées comme ça. Oh, je t'aime. Tu es la fleur la plus jolie que ma vie ait jamais rencontrée. C'est un démon. Le démon qui vient pour détruire ta vie. Il est jaloux de ce que Dieu t'a promis. Il veut tout faire que tu rates cela. Il y a des propositions déguisées. Pour stimuler des désirs de la chair. Pour essayer d'alimenter le convoitise. Ce sont les choses qui mènent à la perdition. Résistez au diable. Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable. Satan fuira loin de vous. Dans la grâce de Dieu vous secourira. Est-ce que tu réalises ça? La bonté de Dieu qui te veut repentant. Et qui te veut prospère à tes yeux. À tous égards. Et que ton âme prospère. Dieu est très bon. Alors, le Seigneur Jésus, il est l'auteur de l'évangile. Et c'est cet évangile que nous prêchons ce soir. Nous avons introduit dimanche la petite pensée, mais voilà encore tout l'état. Il m'a pris encore tout l'état. J'ai pensé commencer vraiment par ça. Incroyable. Dimanche, j'avais fait qu'introduire un peu au sujet du ministère de Jésus-Christ reproduit. Mais regardez. Maintenant, je ne vais plus appeler sa introduction. Je vais juste ajouter un petit lien dessus et nous allons terminer. Voulez-vous? Parce que qu'on a dit dimanche, on ajoute encore. Et c'est autre le Seigneur m'a amené encore ailleurs. Incroyable. Voilà, il est souverain. L'essentiel est que vos âmes soient entretenues. Amen. Dans sa volonté. Alors, Dieu t'a parlé d'une manière. J'ai confiance qu'il t'a parlé. D'une certaine manière. Alors, nous étions en train de dire dimanche, à la fin de la prédication, le ministère du Seigneur Jésus-Christ, selon l'estimation que Frère Branham avait faite, il était à 86% constitué de la prière pour les malades. Ou les guérisons divines. Je voudrais qu'on lise un peu quelque chose. Comme l'autre fois, le temps était fini. J'aimerais, encore avant que le temps finisse complètement, Ce soir encore à la réunion ici, dire un peu quelque chose. Pardonnez-moi l'interruption, si j'ai interrompu le fil des idées où nous étions là. Parce que j'ai regardé à la montre, j'ai dit, oh, comment toute la prédication est allée dans la grâce de Dieu ici. Et voilà. Que Dieu soit béni après. C'est notre maison. Même vous-même vous l'avez dit aussi. Amen. Vous dites c'est notre maison. Dans les sermons, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Fêché le 11 juin 1953. Paragraphe 11. Première partie, justement. Pour ce soir, je vous avais promis de vous parler d'un sujet sur l'Évangile. Voyez, la guérison divine, c'est la part qui est sur la maison. Ça, nous le savons déjà, non? Comme je le disais l'autre soir, on ne montre jamais au poisson la maison. Mais on lui montre la part. Et alors, c'est ce que la guérison divine. Jésus-Christ. Environ 80% de son ministère était basé sur la guérison divine. L'occupation de son temps ministériel. Quand il exerçait son ministère, 8 minutes sur 10 minutes, il priait pour les malades. 80 minutes sur 100 minutes. Minute mukama, kasi pour les malades. Alors, les 2 minutes là sur 10, minute ou les 2 minutes sur 100, c'est là où il faisait autre chose dans l'exercice de son ministère. Pour voir à quel point il donnait l'intérêt à la part. Attirer les gens pour que l'évangile ne soit pas une complication pour eux, mais que l'évangile soit reçu comme puissance. Amen. Ce n'est pas la débrouillardise humaine. Mais c'est Dieu qui entre en scène pour nous secourir. Et la foi des gens doit être basée sur la puissance de Dieu. Notre témoignage est en faveur de la puissance de Dieu. Nous devons être témoins que Dieu est puissant et super puissant. Nous ne partons pas pour supplier les gens. Comme si nous-mêmes nous étions des nécessiteux ayant besoin du secours qui viendrait d'ailleurs. Mais nous allons avec assurance. Et il y a été consolé et secouru par Dieu pour rassurer nos semblables qu'ils ne peuvent trouver les secours que nous avons nulle part ailleurs. Est-ce qu'ils veulent être aidés efficacement simplement pour accomplir notre Jésus-Christ? Amen. Amen. Nous devons être ses témoins à lui. Et le programme qu'on ne montre jamais la maison aux poissons. Parce que la maison est blessante. La maison c'est du fer. Poisson attentif, dès qu'il voit la maison, il prendra la fuite. Ainsi, Moïse est venu avec la loi. Et la Bible dit que la loi n'a rien amené à la perfection. Ça n'a été que condamnation sur le travail. Et elle a fourni un travail. gens sont devenus des hypocrites. Des coupables devant Dieu. Dont les consciences n'étaient pas libres. Ils ne pouvaient se permettre de lapider leurs semblables. Mais au fin fond d'eux-mêmes, se savoir plus coupable. Ils étaient fait prisonnier par la loi. Alors Dieu a dit, je change de régime. La loi est venue par Moïse. Mais Moïse lui-même a eu besoin de la grâce. Et il m'a demandé une grâce. Et je lui ai fait une grâce. Et je lui ai rappelé que je fais grâce. À qui je fais grâce. Et je donne miséricorde. À qui je ferai miséricorde. Dieu nous envoie plus que Moïse. Il nous envoie le Dieu de Moïse. Il envoie le Seigneur de Moïse. Le notre Jésus-Christ. Le notre Sauveur. Yeshua. Jésus-Christ est son nom. Il est le Messie sauveur du monde. Il est le secours qu'il te faut. Il te voudra. Il t'a fallu tout le temps. Par lui, tu ne peux rien faire. Par lui, tu ne peux rien réaliser. Par lui, rien ne s'accomplit. Mais avec lui, tu feras les choses. Avec lui, les élèves seront écrasés. Avec lui, il y a la joie. Salut. Avec lui, il y a l'espérance de la gloire. Oui et amen. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Moi, je me sens religieux. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Chose que les démons, le diable ne peuvent pas posséder. Ils en sont éternellement privés. Mais à toi, Dieu a fait grâce. À toi, Dieu te secourir. Parce que tu es bien aimé de son cœur. Il t'a connu dans son plan. Et il a écrit ton nom dans son livre. Louange à Jésus-Christ. Maintenant et pour l'éternité. Que ton soit béni à Jésus. Lui qui fait tout à merveille. Au lieu de nous montrer la maison. Il nous a montré les poissons. Il nous a montré la viande. C'est la chair à consommer. Le message de grâce. Dieu décide de faire grâce. Voici Jésus veut te sauver. Voici il est disposé à te pardonner. Il est venu. Et plaidons ensemble. Si vos péchés sont rouges que la marée. Il est deviendra plus blanc que la mer. Dieu lance le défi. Qui est-ce que le péché resterait inchangé? Qui est-ce que le péché resterait non pardonné? Moi-même, je veux pardonner. Je suis Dieu, votre Dieu. Qui ne se lâche pas de pardonner. Venez. Si son péché sont rouges, cramoisis. Je vous le dis en vérité. Il est devenu blanc, plus blanc que la neige. La grâce est souveraine. Et sa volonté est là. Il est sincère. Il veut sauver son âme. Du péché et de la honte. Il veut sauver son âme. Des tentations et des épreuves. Il veut sauver son âme. Un enfer nuisible. Il veut t'épargner de la colère à venir. Pour te donner ta part d'héritage. Parmi les sanctifiés. Et s'il y a des sanctifiés. Parce qu'il y a quelqu'un qui les a sanctifiés. Ils ne sont pas devenus ici par eux-mêmes. Ils par leur force. Ni par leur volonté. Mais il y a quelqu'un qui l'a voulu. Et c'est Dieu qui est votre sauveur. Même là où les hommes refuseront de vous pardonner. Même là où les humains garderont rancune éternelle. Pour vous garder noir à ses yeux. Dieu a dit, vous deviendrez plus blanc que la neige. Je traiterai vos iniquités à la mer de l'oubli. Ça ne viendra plus à la mémoire. Ça ne viendra plus dans nos pensées. Il va nous divorcer avec cela. Il va répudier nos péchés. Il va répudier nos secrets de l'Église. Alléluia. Il va le faire. C'est le premier, il a la tête. Il va le faire. Dieu va le faire. Il le fera. Il ne nous a pas montré la maison. Il n'a pas voulu nous effrayer. Il ne veut pas nous éloigner de lui. Mais il veut nous garder à portée de main. Plus près de nous comme ça. Hein? Ah, Dieu est bon. Je pensais qu'il m'a fauché. Or qu'il a bien préparé sa prédication. Mais non, on est comme quoi il y a un pété. Oh, ce qui n'a pas encore pas la mort, on peut le comprendre. Mais maintenant, il y a quelque chose qui a préparé ça. Il te garde près de lui. À portée de main comme ça. Dans son cercle ici là. À portée de main ici. Et l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Louange à Jésus-Christ. Béni soit son nom pour l'éternel. Gloire au Dieu vivant. Dans les cieux des cieux sur l'éternel. Que son nom soit béni éternellement. Dieu d'Abraham notre Père. Il est puissant, il est un feu dévorant. Vaincre à plus de ses ennemis. Soumets pas seulement à Dieu. Résistez au diable. Même si vous vous sentez faible. Résistez au diable. C'est le diable qui fuira loin de vous. Mais toi ne fuis pas la face de Dieu. Un homme qui fuit la face de l'éternel. Mais laisse jamais m'éloigner. Regarde à toi. Ôte mes larmes de peine. Ne me laisse jamais m'éloigner de toi. Toi la petite fleur de ma vie. Toi le lys de la vallée. Il n'est pas loin de toi. Il est à portée de main là. Il est si proche. Voici, je suis avec vous tous les jours. Jusqu'à la fin. Là, tu le dis. Est-ce qu'il le fait? Gloire à Dieu. Alors, Jésus-Christ. Jésus-Christ. Environ 80% de son ministère. Était passé sur la guerre solide. Mais grâce à cela, on a observé que ce qu'il faisait venait de Dieu. Et puis, il a annoncé la vérité. Et ce qu'il a gagné à Dieu. Et le but du ministère, c'est l'objectif que Dieu poursuit. Laissons encore ici dans Christ identifier le même dans toutes les générations. Il s'identifie lui-même. Il se révèle à nous, et nous qui croyons, nous recevons grâce de croire en lui, nous devons reconnaître qu'il est le même. Pas toi? Oh, tu dois être concerné. Tu identifies le même dans toutes les générations. Même dans ma génération. Même dans ta génération. Dans vos générations. Tu n'étais identifié le même. J'ai prêché le 15 avril 1964. Paragraphe 20. Maintenant, mon but. 20-21. Mon but, en priant pour les malades, je vais en parler maintenant. C'est la prière pour les malades. Nous n'osons pas dire que c'est pour cela que nous sommes ici. Mais c'est l'une des choses pour lesquelles nous sommes ici. Mais la prière pour les malades, c'est quelque chose de secondaire. On ne peut pas se spécialiser en des choses secondaires. Nous les savons. Mais d'habitude, selon l'estimation, environ 86%. De son ministère était consacré à la prière pour les malades. Non, dans l'autre sermon, montre-nous le Père et cela nous suffit. Il a dit 80%. Mais ici, 86%. La finalité, on va dire les 90%. En effet, par ces moyens-là, il captait l'attention des gens. C'est comme ça qu'il peut capter ton attention. En faisant quelque chose de miraculeux dans ta vie à toi, dans ta famille là-bas, dans votre peuple, dans votre église là, dans ton travail, il fait quelque chose, et tu sais que ça, il n'y a que lui qui peut le faire. Il capte ton attention parce qu'il a quelque chose de précieux à t'offrir. Et ce qui est précieux, c'est la vie éternelle. Oh, écoutez encore ça. Je pensais que Dieu m'a fauché. Et pourtant, il a fait. Était meilleur stratège que moi. J'ai planifié la prédication dans mon bande de boyer. Mais d'ailleurs, rien de tout ça, moi, n'a maï. Et le côté, Nego, et le côté, je suis allé ailleurs, vraiment ailleurs. Maintenant, pour nos zones, c'est impossible. Oh, mais Dieu canalise les choses. La promesse qu'il vous a faite. Et la carrière, maintenant, c'est ce qu'il fait. Pour te donner la vie éternelle, il commence par faire quelque chose dans ton corps. Qui va capter ton attention. Il peut faire ça. C'est qu'il me fait gagner. Il n'est pas mon ennemi. Il n'est pas mon adversaire. Dieu ne veut pas m'envoyer en enfer. C'est cool comme ça. J'ai pardonné tes péchés. C'est parce que j'ai pardonné tes péchés que j'ai rendu la guérison possible. Si je devais maintenir ce péché, alors le salaire du péché c'est la mort. Ta maladie devait t'amener à la mort. Mais parce que je pardonne péché, j'active la guérison. Je la rends possible. Je la rends concrète. Maintenant donne-moi ton cœur. Je vais y mettre encore mieux que ça. Quoi, Seigneur, la vie éternelle. Oh! Car stratège. Ne lâche pas de pardonner. Et il fait grâce à qui il fait grâce. Il pardonne le péché et les iniquités. Il pardonne même la rébellion. Mais il vous donne encore la vie éternelle. Il y a offelé. Sans argent, sans rien payer. Sans argent, sans rien payer. Écoutez. Et par ces moyens-là, il capte l'attention des gens. Et alors, prie à chaque signe. Il y a une voix, un message, une vérité divine. Derrière chaque signe, il y a une voix. Et la voix doit être une voix scripturaire. De même que le signe doit être scripturaire. Et alors le signe est accompagné d'une voix. C'est comme Moïse lorsqu'il est descendu en Égypte. Il y avait la voix du premier signe et puis la voix du deuxième signe. Et ce grand événement que Dieu a compris, il annonce un signe. Il y a une voix qui suit ce signe-là. C'est comme Jonas, lorsqu'il a été délivré du ventre du poisson, c'était un signe. Et ensuite, ça n'a pas été répondu. Sinon, dans 40 jours, vous périrez. Alors, la voix accompagne tous les signes. Que la grâce vous soit faite dans ce sens. Voyez-la. Que Dieu soit béni. Qu'il soit vraiment béni. Je prends le paragraphe 26 et 27. Bon, paragraphe 26 à 28. Dans Hébreux 3, la Bible dit, il est maintenant le souverain sacrificateur qui peut être touché par le sentiment de nos infirmités. Ça saïpit. Maintenant. Il peut être touché ce soir comme autrefois. N'est-ce pas? À portée de main. Il peut être touché ce soir comme autrefois. Ne l'imagine pas loin de toi. Mais il est au nombre à ta main droite. Il est là. Il n'est pas loin de chacun de vous. Nous disons amen. Il peut être touché ce soir comme autrefois. Nous voulons donc le toucher. Généralement, quelqu'un dira, eh bien, vous savez, frère un prédicateur ou un évangéliste, il m'a imposé les mains, le Seigneur m'a guéri. Il a imposé. Frère un tel a imposé les mains. Oui, cela pousse tout le monde à désirer voir ce frère-là leur imposer les mains. À cause du témoignage de celui qui a dit frère tel m'a imposé. Mais après tout, ce n'était pas les mains de ses frères-là qui avaient accompli cela. C'est votre foi. C'est ce qui accomplit cela. Ainsi donc. Quand l'évangéliste quitte la ville, le pasteur paraît un tout petit homme aux yeux de l'assemblée. Généralement, des choses se produisent, des guérisons et autres, et on pense qu'il faut que l'évangéliste revienne dans la ville avant que quelqu'un puisse être guéri. Et vous, ne croyez jamais cela. C'est votre foi en Dieu qui opère la guérison. Et vous devez croire en Dieu. Et alors, si vous pouvez donc les toucher, pour que quelqu'un vous aille imposer les mains, c'était votre foi qui l'avait touché. Et votre foi a rendu cela réel. Ainsi donc, personne ne vous avait touché. Mais c'est votre foi qui l'avait touché. Et alors, cela suscite donc un témoignage vraiment authentique pour lui. Et c'est pour cela que nous sommes ici, pour le glorifier. Voyez, les témoignages auxquels vous n'associez pas trop le nom de votre frère, le nom de votre pasteur, mais vous expérimentez quelque chose. De faire votre foi Amen. Venant directement de Dieu. Amen. Renan me dit, ça fait un témoignage authentique pour le Seigneur. Amen. Donc, de sorte que le nom de quelqu'un n'y sera pas associé. Mais que c'est votre foi qui a produit ça. Amen. Foi que Jésus vous a donné, foi qui a rendu les fruits. Amen. Ah, témoignage authentique dans lequel seul le nom de Jésus apparaît en grand. Amen, amen. Talente de Koberna Mazal Kotalisa, ni tatoliwa ya siki siki oya mkubakisetete, o ndeko songolo tomo bate li nangadia te, wana yomo konde nzambe yomo kona nzela, ya kondi mo yomo kwa salina yango, le salieta li kambogoto kubika ango bitisa mananzoto, na bongo, ya kwa sala wabele kombo na mkolo yeso kriso ndeko sala li kolona nyonso, nde ni tatoli penza ya siki siki. Kwa isi chake experimentis. Tikete moko na moko bikela yango. Que le Seigneur exerce ta foi. Moi, je ne suis pas complexé pour Jésus. Ni jaloux des sanglots. Nous vous prêchons pour vous amener aux expériences personnelles. De sorte que les témoignages que vous entendez de nous. Je vais vous donner une phrase. J'ai aussi mon pasteur, non? Est-ce que tout le temps que je donne les témoignages, je cite le nom de mon pasteur? Hein? Oui. Vous aussi, vous devez arriver là. Amen. J'ai été aussi brebis assis dans l'église. Allant prendre le conseil chez le pasteur. Vous voyez, fidèle. Assidu au culte. Priez pour la parole. Mais Dieu nous a conduits. Il a conduit. Il a donné des expériences. On les a confrontés, les autres ont reconnu que c'était Dieu. Et on avance. Il y a des expériences qu'on a passées ensemble. Il y en a d'autres que vous passez seul. C'est la marche avec Dieu. Il faut que votre foi prospère. Je ne veux pas que ta foi soit stationnaire. Je veux que la foi de chacun de nous avance. Nous ne sommes que des indicateurs du poteau. Le poteau du salut, c'est la croix. Nous prêchons l'évangile de la croix. Montrant aux gens le calvaire. Si vous croyez en lui, vous avez la vie éternelle. Quiconque croit en lui a les pardons. Il parle la foi en son nom, que son nom a guéri cet homme. Pierre dit ça aux gens qui regardaient lui. Et Jean, d'une manière drôle et particulière, comme s'ils étaient d'une piété, je ne sais pas quoi. Mais je dis, mais non, vous nous regardez comme si on a une piété, une religiosité quoi. Je dis, mais c'est par la foi dans le nom de Jésus-Christ que le nom du Seigneur Jésus a raffermi et guéri cet homme que vous voyez et que vous connaissez. Amen. Vous voyez, Quiconque je peux ne pas être à tes côtés. Je peux ne pas être avec toi dans la même salle. Au même lieu. Mais le Dieu que nous prêchons, il est omniprésent. Il est l'auteur du salut. Il est parent rédempteur. Il délivre réellement. Il produit les expériences sans nécessairement dépendre du prédicateur. Il est vrai que le prédicateur est son canal. Il n'y a pas que le prédicateur. Il y a votre foi. Le prédicateur peut s'estimer. Il veut voir prospère, élégant. Pour l'avoir au sommet. Kadio, vous venez. Alléluia. Si je suis venu à la fin, je suis condamné dans mon cœur coupable. Alors, pourquoi tu n'as Amen, amen. Avec moi, quand j'ai des bons de l'air, combien je suis malheureux, moi, là. Pauvre moi. Je ne sais pas les dire tout le temps. Je ne sais pas les dire. Comme ma précieuse, la route du ciel, nouvelle hauteur, au Chalouchekat, au sur mon chemin, je prie toujours, la croix Seigneur, au Jésus-Christ, mon Dieu, lève-moi, Seigneur, que je me tienne, par la foi sur le peuple du ciel la plus haute terre, jamais tu vas à la place, moi Seigneur, au lieu de lève-moi, Seigneur, que je me tienne, par la foi sur c'est la tour de Dieu, la plus haute terre, jamais tout le monde, mon cœur n'est pas souci, pour nous Seigneur, je présente un Dieu moi-même, lève-moi, moi Seigneur Jésus, que je me par la foi sur le la plus haute haute jamais trouvé. Lâche-moi, Seigneur, toi-même, lève-moi, Seigneur, Jésus, pour que ma tienne, par la foi, sur le côté de Dieu, la plus haute côté, jamais trouvé. Lâche-moi, Seigneur, je vous attends de nous tous. Je veux atteindre le sommet. Colonna tu me, colonna le tu me, Il m'égarde du péché de honte, merveilleux est mon rédempteur, gloire à lui. Il est merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi, conseiller de puissance, prince de la paix, il m'exauce, il m'égarde. Du péché de honte, merveilleux est mon sauveur, gloire à lui. Il est merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi, oui, conseiller, Dieu puissant, prince de la paix. Oh, il me sauve, il m'égare, du péché de honte, merveilleux est mon rédempteur, gloire à lui. Là, c'est le cœur du chant merveilleux. Voilà. Dans le cantique, crois seulement, numéro 169. Juste le refrain que nous avons réchanté. Cantique merveilleux. Numéro 169 du cantique, crois seulement, page 53. Que le nom du Seigneur soit béni. Prions. Dieu bien-aimé. Dieu parfait. Tu es amour. Nous l'avons ressenti ce soir. Tu es le Tout-Puissant. Et l'Omniprésent. Pas loin de nous, mais à portée de main. Oh Seigneur, tu es le même dans toutes les générations. Et ta parole est infaillible. Ton amour est irrévocable. Maintenant Seigneur, laisse chacun être gardé près de toi, vivant près de toi, vivant pour toi Seigneur, dans la foi et pour la foi, et que ta foi s'accroisse, que ta foi prospère, que ta foi produise nombreux résultats, et que tes grâces nous soient multipliées Seigneur. Exauce chacun. Soutiens chacun, secours chacun, sauve chacun, rempli du Saint-Esprit. Nous en avons tellement besoin, nous en avons tellement soif. Nous le voulons au-dedans de nous pour héberger l'espérance de la gloire, héberger la vie éternelle. Fais cette grâce à chacun de vivre selon l'évangile et pour l'évangile chaque jour près de toi, résistant au diable jusqu'à ce qu'il fuit loin de nous. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Veuillez vous asseoir et que Dieu vous bénisse.